l'année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 1er décembre, les Patriotes hockey affrontent McGill au Colisée de Trois-Rivières à 19h. Vendredi 3 décembre, les Patriotes hockey affrontent Carleton à l'aréna Claude Mongrain à 19h15. Samedi 4 décembre, les Patriotes hockey affrontent Queens au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Mets-toi bien. L'émission, c'est Mets-toi bien. Chaque mercredi de 21h à 22h, une heure de pur son hip-hop avec votre animateur préféré A2. Mettez-vous bien, la famille. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jeudi soir, entrez dans la spirale dès 18h sur CIFOU 89.1. En rediffusion le mercredi de 14 à 15h. Anonymes sont la mèche en marche en m'écrayant. C'est fou ça. 89.1. Anonyme, moi je perds mon temps. En me mentant, affirmant être heureux d'emprunter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Connaître Ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Véronique Bazinet, votre co-animatrice avec Jessica Boulanger pour la session automnale 2010. Ce matin, notre émission portera sur le congrès Enfanter le monde et l'interdisciplinarité. Nous recevons trois étudiantes du bac en pratique sage-femme de l'UQTR en première année qui ont assisté au congrès les 25 et 26 novembre dernier à Québec au Centre des congrès. En première partie, Mélanie Darcy nous présentera un compte-rendu de la présentation sur la Maison Bleue, parentalité sociale, portage et empowerment. Nous recevrons toujours en première partie Julie Ouellette, qui nous parlera de la conférence auquel elle a assisté le 26 novembre dans le cadre des sessions parallèles, qui se nommait « Le projet Eclipse, une approche interdisciplinaire d'amélioration des pratiques en deuil périnatal ». En deuxième partie, nous nous entretiendrons avec Annie Brousseau-Arcan, qui partagera son expérience du congrès Enfanter le monde, et puis qui nous fera un peu un compte-rendu de la conférence sur le programme AMPRO. Vous êtes à C'est fou! 89.1, la Radio Campus de Trois-Rivières. Avertissement. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Bon matin. J'espère que vous allez bien en ces premiers jours de décembre et la neige est maintenant bien au rendez-vous. Alors aujourd'hui, comme on l'a mentionné, notre émission va porter sur le congrès Enfanter le monde qui a eu lieu les 25 et 26 novembre à Québec. 700 personnes ont assisté au congrès qui portait sur l'interdisciplinarité en périnatalité, qui a été organisé par l'Association de la santé publique du Québec en partenariat avec l'Association des omnipraticiens en périnatalité du Québec, le regroupement Les sages-femmes du Québec et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Il y avait donc une myriade de professionnels de la santé et des milieux communautaires qui ont participé avec beaucoup d'enthousiasme à ce congrès. Le but du congrès était de renforcer notre confiance dans la capacité naturelle de porter nos enfants, de les mettre au monde et de les nourrir physiquement, psychiquement et spirituellement. Historiquement, il faut se rappeler que le mouvement pour l'autosanté des femmes s'est amorcé à la fin des années 60. Ce mouvement visait la réappropriation du corps et de la santé des femmes par celles-ci. On était alors en post-révolution tranquille. Le mouvement d'humanisation des naissances a pris son essor plus dans les années 70 et 80. À ce moment-là, il y avait plusieurs groupes communautaires et politiques qui revendiquaient et qui proposaient aussi des nouvelles idées en matière de santé et de périnatalité. En 1980-81, la SPQ, l'Association pour la santé publique du Québec, aidée du ministère des Affaires sociales, a organisé les colloques « Accoucher ou se faire accoucher ». C'était des colloques régionaux, puis il y a plus de 10 000 personnes, dont 90 % de femmes, qui ont assisté à ces colloques régionaux, qui visaient à faire une prise de conscience collective face à la périnatalité. Il y a deux éléments majeurs qui ont vraiment émané de ces colloques. C'était l'absence d'autonomie des femmes dans le processus de la naissance, puis la déshumanisation des soins. À ce moment-là, suite au colloque « Accoucher ou se faire accoucher », la légalisation de la pratique sage-femme, puis la création des maisons de naissance ont vraiment fait partie des revendications des Québécoises et des Québécois qui ont participé à ces colloques. Enfanter le monde. 30 ans plus tard, maintenant, se tenait lieu à Québec, en novembre dernier, le congrès « Enfanter le monde ». On peut dire que c'est une étape majeure dans l'évolution du regard posé sur la périnatalité comme processus fondamental de la physiologie humaine et dans notre société. Tout ceci, c'était vraiment dans le but de favoriser l'autonomie des familles, l'utilisation plus judicieuse des technologies médicales lorsqu'elles sont requises, puis on voulait aussi explorer les pratiques novatrices et l'attachement des mères et des pères par rapport à leurs enfants. Donc, le congrès Enfanter le monde a vraiment abordé les trois grands thèmes qui étaient l'accouchement physiologique, l'allaitement, puis le devenir parent. Le congrès voulait aussi se voulait un lieu de réflexion interdisciplinaire sur les premiers moments de vie. Comme je vous l'ai mentionné, il y avait des gens de différents milieux de la santé, des services sociaux. Il y avait aussi des administrateurs de la fonction publique, des gens des milieux communautaires, universitaires, donc des chercheurs, puis il y avait aussi des parents et des étudiants qui étaient présents. D'ailleurs, pour vous donner un peu une petite statistique, il y avait 22 % des participants qui étaient des infirmières, 16 % des médecins, ça englobait les médecins de famille, obstétriciens, gynécologues et autres spécialistes, 18 % étaient des gens issus des ONG, organisations non gouvernementales, 5 % des sages-femmes et 7 % d'étudiantes. Ça, c'est juste pour nommer ceux-là. Donc, comme Enfanter le monde était un congrès interdisciplinaire, je me suis penchée un peu sur la question en discutant avec Mme Josée Lafrance, professeure au bac en pratique sage-femme et chercheure en interdisciplinarité, et j'ai pu un peu faire la distinction entre deux concepts, soit l'interdisciplinarité et la multidisciplinarité. En fait, actuellement, on parle plus d'interdisciplinarité, mais on a remplacé le contexte par l'interprofessionnalisme. Puis pour parler d'interprofessionnalisme, ça prend certaines conditions, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait deux professionnels différents qui travaillent ensemble. Ça prend un travail, justement, de collaboration dans le but d'atteindre un objectif commun, et ça, dans une vision commune. Il y a inévitablement un partage de l'expertise, puis le client ou le patient, la cliente ou la patiente doit vraiment être au centre du processus, puis même participer. Donc voilà, comparativement à une approche multidisciplinaire qui est davantage en silo, où il y a plusieurs professionnels qui travaillent côte à côte, mais il y a quand même de la discussion puis de l'échange. En fait, pour donner un exemple, dans les hôpitaux, c'est plus une approche multidisciplinaire qui se vit entre les médecins, les infirmières puis les autres professionnels de la santé. Donc, aujourd'hui, pour revenir au cœur du sujet qui est le congrès Enfanter le monde, on a le plaisir d'accueillir Mélanie Darcy, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme à l'UQTR en première année et qui est la maman d'une petite fille et d'un petit garçon. Donc, bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci beaucoup d'être présente ce matin. En fait, toi, tu, dans le cadre d'Enfanter le monde, tu as assisté à une conférence qui se nommait La Maison Bleue, périnatalité sociale, portage et empowerment, c'est ça? Oui. Donc, comment tu as trouvé, avant là, d'aller davantage dans le cœur du sujet, comment tu as trouvé ton expérience au congrès Enfanter le monde? Ben, je dois dire que j'ai vraiment apprécié mon expérience. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'effervescence. On sentait vraiment que, dû à au nombre quand même impressionnant de participants, mais aussi à la multitude de pratiques qui étaient présentes, on sentait vraiment qu'il y avait une volonté aussi d'apprendre et de partager ensemble. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Oui, c'est vrai, 700 personnes réunies pour discuter, partager. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'effervescence pour moi-même y avoir assisté. Donc, dans la conférence de la Maison Bleue, qui donne la conférence? Quel professionnel était présent? Oui, en fait, toute l'équipe d'intervenants était présente. Donc, il y avait le docteur Vania Jimenez, qui est un petit peu la coordonnatrice et l'instigatrice du projet, qui est médecin de famille accoucheur. Et également, Marianne Dove, Fanny Urson-Ethery, Hélène Rousseau, qui sont elles aussi des médecins de famille accoucheurs. Il y avait aussi Bernadette Thibodeau, qui est infirmière. Isabelle Brabant, qui est sage-femme, Anne-Marie Bellemare, qui est travailleuse sociale, et Carlo Sterling, qui est psychiatre et ethnologue. D'accord, donc c'est toute une... Oui, vraiment une belle brochette. Oui, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est la Maison Bleue, parce qu'on en parle, mais c'est pas tout le monde qui est au courant. Oui, en fait, au niveau un petit peu de la structure administrative, la Maison Bleue, c'est un hybride, donc entre une organisation sans but lucratif et les services publics. Donc, en fait, les services, la pérennité des services est assurée par l'assurance maladie du Québec. Mais le financement pour ce qui est de l'infrastructure est assuré par les dons de charité. Donc, c'est pour ça que c'est un organisme sans but lucratif. Au niveau de l'accueil, c'est un lieu d'accueil pour les femmes qui vivent des situations de vulnérabilité. Donc, on parle souvent de femmes réfugiées, de femmes d'immigration récente. Ça peut être des femmes aussi qui sont victimes de violences, qui vivent une monoparentalité difficile. Donc, toutes ces femmes sont accueillies à la Maison Bleue, qui est un lieu où elles peuvent recevoir des services de santé pour elles et également pour leur famille. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, ce que Mme Givenez a mentionné, c'est que, en fait, quand les femmes se présentent à la Maison Bleue, elles ont un médecin de famille, mais également, elles gagnent un médecin de famille pour leur famille au complet. Donc, c'est très intéressant. Pour leurs enfants, leurs conjoints. Oui, leurs conjoints aussi. OK. Mais ces femmes-là, est-ce qu'elles sont enceintes? Oui. OK. Oui, c'est d'accord. Ça. C'est vraiment au niveau de la périnatalité que c'est taxé. D'accord. Puis, sur quoi portait la présentation de l'équipe de la Maison Bleue? Bien, en fait, on nous présentait beaucoup le concept de la Maison Bleue, comment ils étaient arrivés aussi à ce processus-là, et également toute leur philosophie de portage, portage culturel, portage individuel également, et empowerment. Donc, et ça, c'était très intéressant parce que le portage... pour certaines personnes, ça peut paraître une perte d'autonomie, mais en fait, ce qui était souligné, c'est que le portage est une façon de soutenir les femmes, de les prendre à l'endroit où elles sont au moment où elles arrivent, parce que souvent, elles sont immigrantes, elles arrivent dans un moment où elles n'ont pas beaucoup de repères, donc les prendre où elles sont dans leur vie et de les amener là où elles veulent aller. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un accompagnement où la femme est au cœur des préoccupations des intervenants et c'est vraiment elle qui va être au centre là, de ce processus-là. Et l'empowerment arrive justement au moment où la femme peut parfois se sortir de situations de vulnérabilité. Ça peut être par la contraception, ça peut être par différentes façons, mais l'empowerment était également souligné comme étant rayonnant à travers la société. Pour les intervenants, c'est quelque chose d'assez valorisant de travailler à la Maison Bleue. Donc, c'est ça. Autant l'équipe que les femmes de la Maison Bleue en ressortent grandies, oui, de cette expérience-là dans le exactement. Processus. Exactement. Puis, d'ailleurs, M. Sterling a parlé du portage culturel, qui est une valeur très importante pour les intervenants de la Maison Bleue. Puis, il parlait beaucoup de la femme qui arrive et qui a un bagage culturel et comment accompagner ce bagage culturel-là sans essayer de le remodeler, sans essayer de le négocier, mais d'accompagner la femme avec ce bagage-là et de lui permettre aussi d'exprimer son savoir-faire et son savoir-être qu'elle tient de sa culture propre. Donc, dans ce sens-là aussi, c'est un empowerment assez flagrant pour les femmes. Oui, tout à fait. Puis, je me demandais, les femmes qui... Parce qu'en fait, on ne l'a pas nécessairement nommé, mais la Maison Bleue se situe dans le quartier Côte-des-Neiges, oui, à Montréal. Puis, c'est un quartier qui est vraiment multiethnique, là, où il y a plus de 70, je pense, communautés culturelles et même plus, là, qui sont représentées. Donc, j'imagine que justement, l'interculturel fait vraiment partie est au cœur des activités de la Maison Bleue. Oui, vraiment. Et puis, il y a beaucoup aussi d'activités qui sont organisées pour que les femmes puissent se créer un réseau, se doter de liens entre elles, d'apprendre certains trucs aussi. Donc, c'est vraiment... par la formation d'ateliers. Il y a également des ateliers de théâtre qui ont été réalisés. Les femmes ont pu s'exprimer et faire vraiment une création à travers laquelle aussi ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Donc, c'est vraiment de prendre le bagage culturel des femmes et d'en retirer la richesse. Et aussi de le revaloriser parce que parfois les femmes arrivent et se sentent dans l'obligation vite d'entrer dans notre culture et d'effacer un petit peu ce qu'elles apportent avec elles. Tandis qu'à la Maison Bleue, c'est vraiment le contraire, c'est qu'on les invite à le mettre de l'avant puis à le mettre en valeur, dans le fond, ce bagage-là. D'accord. Puis, est-ce que... un peu les impressions, les réflexions que cette présentation-là t'a amené, toi, comme étudiante en pratique sage-femme, puis comme femme aussi? C'est certain que... moi, j'ai trouvé ça très inspirant. Aussi, Isabelle Brabant a beaucoup parlé... le modèle qui a été choisi a beaucoup été calqué sur la pratique sage-femme, en sens où, bon, les rencontres... sont plus longues. Le temps de bâtir une relation avec la clientèle est très important, très au cœur des préoccupations. Donc, c'est certain que dans l'optique de la pratique sage-femme, c'est vraiment un modèle qui est à préconiser. Et puis, de voir aussi les différents intervenants travailler ensemble pour justement assurer un suivi de qualité et offrir une sécurité aussi aux femmes, c'est vraiment quelque chose qui est inspirant, je crois, qui devrait être mis de l'avant. Oui, tout à fait. Puis, j'imagine que un aspect de la philosophie sage-femme, c'est le continuum des soins, oui, puis la continuité. Est-ce que ça c'est présent dans leur approche à la Maison Bleue? Oui, tout à fait. La continuité est vraiment au cœur de la philosophie de la Maison Bleue. Que ce soit au niveau des intervenants rencontrés, que ce soit au niveau également de la valorisation aussi, justement, du background de ces femmes-là. Donc, les femmes rencontrent toujours les mêmes personnes. Les lieux physiques aussi favorisent beaucoup cette espèce d'ambiance familiale où les gens se rencontrent dans les corridors, la cuisine, les femmes vont se servir un café, la secrétaire, tout le monde la connaît. Donc, ça favorise un climat de confiance aussi, cette continuité-là entre les intervenants. Parce que la Maison Bleue, elle est vraiment dans une maison. C'est pas dans un CLSC ou tout ça. C'est vraiment une maison physique. Oui, c'est une maison physique avec un ameublement typique. Donc, des chaises berçantes, des fauteuils confortables, une petite salle de jeu pour les enfants. Donc, ça porte à la confidence, c'est certain. Puis, ça met rapidement les femmes en confiance. C'est convivial, quoi. Oui. Donc, puis est-ce que au début, vous nous avez parlé de tous les intervenants qui étaient présents à cette conférence. Comment se vit l'interprofessionnalisme ou l'interdisciplinarité dans cet organisme-là? Bien, ce qu'on sent, c'est vraiment frappant. On sent vraiment le plaisir. C'est vraiment quelque chose qui transparaît à travers le discours des intervenants. Il y a une collaboration étroite entre tous et il y a vraiment pas, on sent pas une hiérarchisation. On sent vraiment que tout le monde se fait confiance. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été souligné par Bernadette Thibodeau et Vania Gimnez qui disaient, on se connaît. Donc, on se fait confiance et on sait, on connaît nos limites aussi et on connaît aussi l'expertise des autres intervenants. Donc, on est capable de dire, attends une minute, je te réfère à tel autre spécialiste qui est dans la Maison Bleue et puis tu vas pouvoir avoir un suivi avec cette personne-là qui va compléter mon suivi à moi. Donc, à ce niveau-là, l'interdisciplinarité... Pour les intervenants, ça devient quelque chose qui va pallier à un sentiment d'impuissance que parfois les intervenants vont ressentir dans le système de la santé lorsqu'ils vont heurter leurs propres limites, dire « ben écoute, je ne peux plus rien faire pour toi ». Avec la Maison Bleue, mais ça amène justement cette possibilité-là, ça leur amène un sentiment d'efficacité aussi, une valorisation du travail de chacun. Et puis, pour le système de santé, bien, c'est certain que ça facilite des passerelles entre les centres jeunesse, maisons de naissance. On sait que la maison de naissance Côte-des-Neiges est à la porte, en fait. C'est vraiment juste à côté. Donc, puis pour la femme, bien, c'est un sentiment d'accueil aussi. C'est une flexibilité aussi dans les réponses. On sent qu'il va peut-être toujours avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre. On ne sent pas qu'on va tomber dans un vide à un moment donné où est-ce qu'on n'aura pas de réponse ou on va attendre à côté du téléphone, on est sur une liste d'attente. Donc, on sent qu'il y a cette continuité-là et c'est certain que ça amène plus d'efficacité, donc plus de satisfaction aussi au niveau de la clientèle. Ah ben en fait, c'est très intéressant tout ça. Puis si vous pouviez la voir en studio, elle a les étoiles dans les yeux. Donc, merci beaucoup, Mélanie Darcy, d'avoir partagé ton expérience avec nous puis de nous avoir communiqué puis transmis ce beau projet-là qui est la Maison Bleue, vraiment. Je pense que c'est très inspirant. Oui, vraiment. Et merci à toi. Ça a été un bonheur d'assister à cette conférence et... Je vous invite vraiment à aller visiter la Maison Bleue ou donner, faire un don. Oui, on va en reparler justement à la fin de l'émission, là, comment on peut appuyer la Maison Bleue justement. Donc, merci beaucoup. Puis maintenant, on va accueillir Julie Ouellette, qui est étudiante au bac en pratique sage-femme en première année également, et puis qui est la maman de deux jeunes beaux garçons. Donc, bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Ben merci beaucoup d'être présente ce matin. Puis, en fait, tu as assisté dans le cadre du Congrès Enfants et le Monde, le 26 novembre, à une conférence qui se nommait le projet Eclipse, une approche interdisciplinaire d'amélioration des pratiques en deuil périnatal. Donc, est-ce que tu peux nous parler de quels intervenants étaient là, étaient présents pour donner la conférence? Il y avait seulement deux infirmières. Il y en a une qui s'appelait Hélène Saint-Pierre. C'est une infirmière gestionnaire clinico-administratif. Et puis l'autre, c'était Joanne Martel, qui est une infirmière coordonnatrice en obstétrique et gynécologie. C'est deux infirmières qui travaillent au centre hospitalier Sainte-Justine et puis qui font partie du programme de la santé de la mère et de l'enfant. D'accord. Puis... quels thèmes ont été abordés? Bon, on sait que c'était sur le deuil périnatal, mais comment s'est déroulée la présentation? Cette présentation-là était en deux volets. Autrement dit, c'était qu'est-ce qui était visé? C'était l'amélioration des soins aux parents en deuil, dans le fond, qui perdent leur enfant. L'idée, c'était de former une équipe interdisciplinaire pour aider à la fois les parents qui étaient en deuil, mais aussi et surtout pour accompagner les intervenants, que ce soit les infirmières ou les médecins, pour accompagner les parents pour faire le deuil. Donc, pour ce qui était de l'approche interdisciplinaire en ce qui concerne les parents, c'était, dans le fond, pour que les infirmières puis les médecins puissent être en mesure de référer, pour pas que tout le poids, dans le fond, du deuil pèse sur le poids, sur le dos des infirmières puis des médecins, pour que les parents puissent soit parler avec des aides spirituelles, puissent parler aussi avec des psychologues, des psychiatres ou des psychoéducateurs aussi. Donc, ça faisait que ça apportait une espèce de complémentarité des soins, puis que c'était pas, ça reposait pas sur le dos, dans le fond, des infirmières qui ont déjà beaucoup de choses à faire. Puis, le deuxième volet, autrement dit, de la conférence, ça parlait du fait que les infirmières sont tellement au cœur de cette intervention-là qu'ils peuvent pas tout prendre sur leur dos, finalement. Quand les parents ils sont en deuil, c'est vraiment une infirmière pour une famille. Dans le fond, que chaque infirmière est associée à un seul bébé qui est décédé. Et puis, cette approche-là, ça fait en sorte que l'infirmière peut, si elle le désire, aller parler à ces mêmes intervenants-là, que ce soit l'aide spirituelle ou les psychologues ou les psychoéducateurs, pour s'aider elle-même à trouver ses limites, autrement dit, et puis aussi pour améliorer son approche à elle-même face aux parents qui sont en deuil, donner des outils à ces infirmières-là, autrement dit, qui n'ont pas nécessairement de formation sur le deuil périnatal. C'est souvent des infirmières, on le sait que, bon, les infirmières se retrouvent un peu partout, puis ils ne sont pas nécessairement formés pour des cas précis comme le deuil périnatal, qui est une tâche qui est bien lourde, souvent, d'accompagner les parents là-dedans. Puis ça permet, dans le fond, aux infirmières, mais aussi aux médecins qui ne sont pas formés du tout, souvent, pour le deuil périnatal, d'avoir des ressources qui sont interdisciplinaires puis qui peuvent... dans le fond, c'est une myriade de soins qui s'offrent à eux pour essayer de comprendre puis avoir une meilleure approche pour les parents. Donc, c'est ça, les ressources sont mises à la disposition autant des clients, des patients que des parents qui vivent ce deuil-là, que des professionnels pour que ça se passe le mieux possible. Puis quels ont été les faits saillants dans cette conférence-là ou les choses qui t'ont le plus marqué? Moi il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment marquée, c'était, je ne sais pas c'est laquelle des infirmières, par contre, qui en a parlé, mais elle parlait que, c'était une petite anecdote qu'elle nous racontait, c'était concernant une phrase qu'une infirmière avait déjà dit à des parents qui étaient en deuil, et puis c'était, la phrase c'était, je peux, si vous voulez, mes chers parents, je vais aller chercher le bébé, il est dans le frigidaire, puis après ça, je vais vous le rapporter, il n'y a pas de problème, puis après ça, je vais aller le remettre dans le frigidaire. Donc, oh. C'est ça. Puis, cette femme-là qui avait entendu l'infirmière dire ça, elle a vraiment compris à ce moment-là l'importance d'avoir une formation sur le deuil périnatal, puis l'importance aussi de donner des outils pour qu'il y ait une approche vraiment plus délicate pour les parents. Autrement dit, que tu sais, souvent les infirmières, ils sont dans leur... ils sont tellement à des tâches précises, puis ça roule, puis c'est la routine, puis c'est les procédures, puis souvent ils en viennent qu'à oublier les parents qui sont au cœur de ce processus-là, puis qu'on y en vienne qu'à utiliser des mots qui utilisent seulement entre infirmières, souvent le frigidaire, exactement, que c'est un terme qui devrait juste être utilisé pour les infirmières entre elles, mais bon, des fois il y a des petits débordements, puis souvent de suivre des conférences, d'avoir des ateliers sur la formation en deuil périnatal, ça les amène à se poser des questions finalement pour avoir des meilleurs outils. Puis aussi, qu'est-ce qui m'a frappée? La deuxième chose, c'est la place au père qui a été faite dans le deuil périnatal, parce que souvent, quand les bébés ils décèdent, c'est beaucoup les femmes qui sont visées par les soins, alors que le père devient aussi un patient dans ce sens-là. Puis ça a été aussi, l'interdisciplinarité a permis d'intégrer le père comme un patient au même titre que le bébé, au même titre que la mère, parce que ben c'est ça, lui aussi vit sa peine, puis surtout aussi il la vit d'une façon qui est complètement différente de la mère. Puis en ce sens-là, ça apporte des outils, l'interdisciplinarité apporte des outils aux intervenants pour agir vraiment pour mieux cibler les soins, que ce soit pour la mère ou pour le père. Puis une autre chose aussi qui m'a vraiment frappée, c'était un outil que une psychoéducatrice avait amené pour les infirmières. C'était une façon de participer au processus pour, pas accélérer, mais bon, pour favoriser l'amorce du processus de deuil des parents. C'était d'aller prendre des photos du bébé, peu importe le stade où est-ce qu'il était rendu à la grossesse. Et puis, de ne pas prendre des photos du bébé au complet, c'était, elle a parlé de la délicatesse de prendre des photos juste d'une main ou d'une épaule ou d'un pied, par exemple. Ce qui faisait que c'était beaucoup moins médical comme approche, puis c'était beaucoup plus intime, comme de quoi que les parents ont à faire le deuil d'une main, ont à faire le deuil des petits orteils. Puis en ce sens-là, d'avoir une approche interdisciplinaire, ça permettait de vraiment renouveler puis d'apporter d'autres idées pour que le processus de deuil soit amorcé déjà pendant que les parents étaient aux soins périnatal en deuil. D'accord. Ben c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine aussi que comme maman, ça a dû te toucher, cette conférence-là. Oui, je peux même pas m'imaginer, en fait. Puis en pratique sage-femme, d'ailleurs, c'est des choses auxquelles on veut avoir des outils. Puis dans notre formation, il n'y a pas de cours qui porte directement sur ça. Puis, on comptait pour la prochaine session faire des dîners, des ateliers conférences. Puis j'avais vraiment le goût d'apporter l'aide de cette conférencière-là, justement, pour qu'elle puisse nous éclairer sur les différentes étapes du deuil que les parents ont à faire, puis comment qu'on peut participer activement à ce processus-là. Oui, vraiment, parce que c'est des outils qu'on veut développer dans notre future profession. Maintenant, pour terminer, est-ce que tu peux nous donner tes impressions puis tes réflexions sur le congrès Enfants et le monde? Oui. Moi, le congrès, qu'est-ce qui m'a vraiment frappée, c'était la diversité des pratiques, un peu comme Mélanie a parlé tout à l'heure, parce que tout le monde, dans le fond, posait des questions sur les autres pratiques qui étaient en cours dans le congrès, mais aussi ils nous apportaient leurs propres questionnements, ce qui faisait que il y avait une richesse des expériences qui nous étaient partagées. C'était extraordinaire. Puis aussi, je pense que le point commun auquel tous les intervenants se sont ralliés, c'est vraiment un constat d'alarme sur le fait que il faudrait ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour que freiner en quelque sorte l'humanisation de la médicalisation, parce que je pense qu'on s'est rendu compte qu'avec le colloque accoucher ou se faire accoucher, les femmes ont revendiqué une humanisation des soins. Puis ce qui a été offert dans les 30 dernières années, c'était vraiment plus axé sur l'humanisation de la médicalisation dans les hôpitaux, alors qu'on sait très bien que la grossesse n'est pas une pathologie. Donc, en ce sens-là, je pense que le congrès a vraiment fait le point sur l'idée que il faut mettre un frein sur cette pratique-là, puis ouvrir nos oreilles puis nos cœurs sur des pratiques qui sont beaucoup plus naturelles puis qui sont beaucoup plus axées sur l'idée que c'est aux femmes de décider quels soins elles ont le goût d'avoir, puis quel sens elles ont le goût de donner à leur accouchement, et non simplement que les femmes arrivent dans un hôpital où est-ce qu'ils ne se sentent pas appartenir, puis qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas donner un sens à leur propre accouchement, comme si c'était un sens qui leur était imposé. Puis je pense que c'est ça qui était vraiment le cœur du congrès. Puis pour ça, je pense que tous les intervenants y ont gagné. Voilà. Ben, en fait, je pense que tu as résumé. Il y avait beaucoup de signes de tête d'approbation en studio. Donc, ben merci beaucoup, Julie, d'être venue nous rencontrer ce matin en cette fin de session et puis d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Ça a été très enrichissant. Donc, maintenant, nous allons en musique avec la pièce « Au commencement du monde » sur l'album « Silence » de Fred Pellerin. Et ce sera suivi d'une pause publicitaire. On est au commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rosée tombe. Comme au théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde, on rêve comment, on rêve à quoi. L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte, de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le geste mou, le poing qui gronde, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée. Nos idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. Mais si on prenait nos bagages, qu'on rentrait dans nos souliers, le cœur se saurait en voyage et la raison sous les peupliers. Alors la mer ou la montagne, ou peu importe l'horizon, les artisans sont mélomanes, ils chantent au parfum des moissons. On est au commencement du monde, dans des guenilles et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière. Parfois la vérité se trompe entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde, c'est l'ange idiot, c'est l'ange ingrat. On est au commencement du monde, il faut nettoyer les lilas. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune idée. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à M. Leblanc juste une fois? Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au qtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou ça. 89.1. C'est que ça me donne le goût de danser. Hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Vous êtes de retour à C'est fou, 89.1, à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Donc, nous continuons notre émission sur le congrès Enfanter le monde qui a eu lieu le 25 et 26 novembre dernier au Centre des congrès de Québec. C'était, comme je vous le rappelle, un congrès interdisciplinaire en santé périnatale. Donc, dans cette deuxième partie, nous avons la chance de recevoir Annie Brousseau-Arcan, étudiante au bac en pratique sage-femme en première année, ainsi que webmestre pour l'émission « Connaître ensemble ». Donc, bonjour Annie, ça va bien? Oui, ça va bien Véronique. Merci de t'être déplacée ce matin pour venir nous rencontrer. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience du congrès Enfanter le monde? Oui, bien en fait moi c'était ma première expérience de congrès, donc j'étais super curieuse, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'étais vraiment super excitée d'aller là, puis de savoir aussi qu'il y avait d'autres étudiantes sages-femmes qui étaient pour être là, pas juste des sages-femmes ou des médecins, tu sais, des gens que pour l'instant on côtoie pas trop, mais c'était vraiment vraiment intéressant, puis aussi intéressant de voir le pourcentage de participants, je pense que tu en as parlé, de c'était quoi les taux d'infirmières, de sages-femmes, d'accompagnantes à la naissance qui étaient là. Là, parce qu'on se demandait en allant là, qui va au congrès ou juste. Fait que c'est ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis comment s'est déroulé le congrès? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était assez intense. C'était vraiment des grosses journées, deux journées vraiment, vraiment pleines où il y avait énormément d'ateliers. Puis en fait, je pense que tu peux le témoigner, on ne savait pas non plus trop où aller tellement il y avait de choses qu'on pouvait aller voir. Donc, il a fallu faire des choix. Puis, des fois, c'était difficile où on essayait de conjuguer deux ateliers en même temps, puis on écoutait la moitié d'un, puis on allait voir la moitié de l'autre. Puis, sinon, comment ça s'est déroulé? Moi, j'ai trouvé ça aussi super intéressant de voir d'autres professionnels de la santé. On n'a pas vu nécessairement d'autres étudiants, mais c'est sûr qu'on est rentré en contact avec des infirmières, des médecins de famille, des accompagnantes à la naissance, même une humoriste. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Puis, fait qu'on a pu voir aussi un peu la réalité de chaque milieu en périnatalité parce qu'on les entendait jaser un peu entre eux. Fait que nous, ça nous mettait aussi en contact avec ça. Puis l'aspect, moi, ce que j'en ai retiré vraiment, c'était la multidisciplinarité. C'est un peu le but du congrès, mais on en a entendu beaucoup parler. Puis les sages-femmes aussi, je pense qu'ils sont quand même revenus beaucoup pendant tout le congrès. Puis c'est, d'après moi, c'est sûrement un des premiers congrès là, où le terme sage-femme est aussi autant employé. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. C'est super. Est-ce que, ben en fait, dans le cadre du congrès Enfanter le monde, tu as pu assister à une présentation sur le programme AMPRO? Oui. Qui se nommait, bon, la collaboration interdisciplinaire ou comment transformer les compétences en performance. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Puis nous parler de, ben en fait, nous dire premièrement là, quels intervenants étaient présents? Oui. Bien, en fait, la conférence s'est déroulée, il y avait comme trois volets. Puis pour commencer, il y avait Guy-Paul Gagné, qui est obstétricien gynécologue, puis directeur du programme AMPRO au Québec. Donc lui, il est venu vraiment nous parler c'est quoi le programme AMPRO, comment ça se déploie. Puis il nous a amené aussi des statistiques. Puis en fait, il nous a vraiment fait découvrir c'était quoi AMPRO. Puis comme deuxième partie, on a eu une infirmière qui est Colette Touga-Poirier, qu'elle qui est consultante au programme AMPRO, puis Anne Pilletan-Goubaillon qui est responsable sage-femme. Puis les deux sont venus nous parler de leur expérience En fait, les deux ont vécu le programme AMPRO ou même le DON dans certains lieux. Donc, ils nous ont montré une petite présentation où même on voyait des photos d'équipes qui ont fait le programme AMPRO. Fait qu'ils sont vraiment venus nous parler sur le terrain, comment ça fonctionne, comment les équipes perçoivent ça. Puis, en dernier, on a eu... James A. Reuter, qui est un médecin, qui est directeur des programmes de sécurité en obstétrique, qui lui est venu plus nous parler un peu de More OB, qui est comme un peu la version canadienne de, du programme AMPRO. Donc, il est venu nous parler du déploiement au niveau du Canada, sa partie de où, puis que là, c'est en train de s'en aller aux États-Unis. Donc, lui aussi, est un peu comme Guy-Paul Gagné, il est venu nous expliquer c'était quoi, puis c'est quoi les objectifs, puis vers où on s'en va, dans le fond, avec AMPRO. Donc maintenant, peux-tu nous parler concrètement de qu'est-ce que AMPRO? Oui, donc AMPRO, c'est un acronyme qui, en premier lieu, ça veut dire Approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux. Donc, c'est un programme de 3 ans. Donc, chaque année a un volet différent. Puis pour l'instant, c'est un programme canadien, en fait. C'est ça qui est le fun, il faut le mentionner. Là, il est déployé aux États-Unis aussi, mais ça a vraiment parti au Canada. Puis il y a beaucoup d'hôpitaux en ce moment qui le font au Québec. C'est pas dans tous les mais éventuellement, ils aimeraient ça que ça se déploie là, au Québec. Donc, c'est ça. C'est un programme de 3 ans, puis c'est un volet différent par année où ils doivent se bâtir une équipe. Normalement, c'est des infirmières, des sages-femmes, des médecins, mais il y a aussi la possibilité d'inviter les gens qui veulent à se joindre à cette équipe-là. Ils peuvent inviter des inhalos. Même, on a entendu une anesthésiste au congrès qui demandait pourquoi les anesthésistes ne sont pas joints. Bien, ils ont la chance d'inviter qui ils veulent à cette formation-là. Puis le programme, en fait, ça vise en premier lieu la sécurité des patientes. C'est vraiment comme leur ligne majeure. Puis ensuite de ça, ça vise aussi le perfectionnement du professionnel, puis l'amélioration des performances, que ce soit les professionnels ou même les administrateurs dans le département obstétrical des hôpitaux. Puis les lignes visées aussi, c'est de 1. Bon, la sécurité, c'est vraiment la priorité. Une communication efficace, donc ils apprennent vraiment à communiquer en équipe. Puis, bon, ça vient ensemble. Le travail d'équipe se développe avec ça. Puis, ils essaient aussi beaucoup de mettre de côté la hiérarchie qu'il peut avoir des fois entre médecins, infirmières, tout ça, pour que tout le monde travaille sur le même pied d'égalité pour pratiquer des situations d'urgence ou juste des situations où on a à réagir. Puis, tout le monde apprend au même pied d'égalité à réagir puis à partager ses idées. Ben moi, je ferais ça comme ça. Ah, ben non, moi, je ferais ça comme ça. Puis, il y a aussi beaucoup de répétitions d'urgence où est-ce qu'ils pratiquent tous ensemble des manœuvres. Puis, il y a un gros apprentissage de réflexion aussi qui est fait à propos des gestes cliniques. Puis j'ai sorti du site internet de AMPRO un peu, c'est quoi les 4 missions d'AMPRO? Donc, comme on l'a dit, là, la sécurité, c'est vraiment la première ligne, mais ça vise développer la communication et le travail d'équipe efficace, éliminer la culture du blâme, donc des fois, essayer de ne pas mettre la faute sur les autres ou de dire « elle a fait ça comme ça, franchement, des trucs comme ça ». On essaie d'enlever ça le plus possible. Favoriser l'apprentissage, le partage des connaissances, puis l'évaluation, peu importe, pas juste dans le même domaine comme exemple, pas juste au niveau des infirmières, mais vraiment partager ces connaissances-là entre tous les professionnels de la santé. Puis, évidemment, favoriser la collaboration interprofessionnelle avec confiance et respect. Parce que AMPRO, c'était quand même ça allait vraiment bien dans le congrès, dans le sens où c'était vraiment axé sur multidisciplinaire. Puis, c'est ça aussi. Voilà. Fait que c'est un programme qui est sur 3 ans. Puis, ils ont commencé à nous montrer les résultats, les statistiques au Québec. Puis, c'était super valorisant. Les équipes avaient l'air de trouver ça vraiment efficace. Ça renforçait la confiance. Ça leur permettait de devenir plus autonomes. Puis, aussi, c'est ça ce qu'on trouvait intéressant. C'est que ils font pratiquer des gestes cliniques, mais à tout le monde, même si ça ne fait pas partie du champ de pratique. Exemple, qu'une infirmière fasse un forceps ou une ventouse, mais elle pratiquait quand même ce geste clinique-là. Donc, elle, après, ça lui permettait, en situation d'urgence, quand ça va se passer, bien évidemment, ça va être le médecin qui va le faire, mais elle va savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, puis peut-être que même éventuellement, tu sais, cette non-hiérarchie-là va lui permettre de dire au médecin « Ah, oh, ben tu pourrais peut-être te placer comme ça ou comme ça », tu sais, pour qu'ils s'échangent des conseils puis des connaissances entre eux, pour que, c'est ça, ça donne un milieu vraiment de coopération sain puis efficace aussi, parce que c'est la sécurité qui est au milieu de tout ça. C'est ça, le but, c'est vraiment aussi de réduire justement les risques. Ouais. Donc, Mais en fait, c'est ça. J'imagine que une fois que le programme va être vraiment déployé sur les 3 ans, avec des statistiques, tout ça, on va vraiment pouvoir voir comment c'est l'efficacité du programme. Mais à date, comme tu le mentionnais, les résultats semblent très intéressants. Puis surtout le fait que les équipes semblent vraiment bien s'approprier le programme, tout oui, ça, aussi, dans les hôpitaux. Oui, c'est ça qu'on voyait, puis c'est ça qui était intéressant. C'est dans la conférence, il y avait l'infirmière puis la sage-femme où ils ont vraiment montré des témoignages, des photos d'équipes qui participaient à ça. Il y avait vraiment l'air d'avoir un bel esprit de famille, un bel esprit d'équipe qui se crée. Puis les gens étaient, c'est ça qu'elle nous disait, les gens sont innovateurs, créateurs, puis ils s'amusent là-dedans aussi. Il y en a qui viennent costumer pour faire des situations d'urgence, puis ils trouvent ça drôle entre eux. Puis tu sais, c'est ça aussi qui est le fun, ça ramène un bel esprit d'équipe. Ouais. Puis, comment se vit justement la multidisciplinarité concrètement? Puis aussi, est-ce que les sages-femmes participent au programme AMPRO? Oui, c'est ça. Bien, nous, en tout cas, de ce qu'on en a retenu de la conférence, c'est que c'était vraiment plus les infirmières. Oui, les sages-femmes viennent, ça se fait... parfois, ça se fait au centre hospitalier, mais parfois ailleurs. Donc oui, les sages-femmes sont là avec les infirmières. Il peut y avoir des gynéco-obstétriciens ou des médecins de famille. Parce que comme on a dit, quand ils veulent partir le programme dans dans le centre hospitalier, exemple, ils font un lancement. Ils font toujours un lancement comme pour partir ça. Nous, on fait le programme AMPRO, fait qu'on fait un lancement. Puis là, ils se partent l'équipe de qui va être formée pour AMPRO, pardon. Puis oui, ils invitent les sages-femmes, même si elles font pas nécessairement partie de l'hôpital, mais si elles sont affiliées avec cet hôpital-là, elles vont pouvoir y aller. Fait qu'il y a vraiment un partage des connaissances. J'ai entendu une infirmière un jour qui disait « Ah, oh, c'était super intéressant parce qu'on voyait la sage-femme qui, normalement, fait pas de monitoring. » Fait que, tu sais, elle regardait le tracé puis des fois, elle se posait des questions. Fait que nous, tu sais, on a pu lui apprendre ça en échange. « Bien, regarde, le tracé, ça veut dire ça, ça, ça. » Puis, tu sais, elle, en échange, pour d'autres situations de risque ou de position, bien, elle a donné ses connaissances à ce niveau-là. Fait que ça avait l'air d'être super enrichissant. Puis tout le monde continue à apprendre puis à se partager. Puis il y avait même une infirmière qui avait dit un commentaire « Ah, moi, j'aime ça, je suis contente. » Parce que quand je donne mon petit cours, exemple, je sais plus c'était sur quelle situation, mais elle a dit « Les médecins qui sont là, bien, il faut qu'ils m'écoutent. » Puis là, c'est moi, le professeur. Fait que là, les médecins n'ont pas le choix de m'écouter. Fait que, tu sais, c'était beau, je trouvais. Il y avait un bel esprit d'équipe. Penses-tu que le programme AMPRO peut devenir comme un moyen pour que, justement, chaque professionnel de la santé connaisse plus la réalité de l'autre? Exemple, justement, dans le cas des sages-femmes qui pratiquent, même quand elles se rendent à l'hôpital pour accompagner une femme pour un accouchement, n'ont pas nécessairement tant de liens que ça avec les autres professionnels de la santé? Bien, je pense que c'est sûr que ça peut pas nuire, dans le sens où, tu sais, ils vont vivre une formation qui est échelonnée sur 3 ans, si tout le monde l'a fait. Fait que oui, ça crée des liens, puis juste de pouvoir être autour de la même table, même si on parle pas d'AMPRO, on parle de la profession, fait qu'ils vont développer des liens, puis ah oui, je savais pas que vous faisiez ça, ou tu sais, fait que ça crée des liens, c'est sûr, entre les professionnels, mais je pense que c'est sûr aussi que AMPRO vise beaucoup les gestes, la prévention, la sécurité, c'est pas tant axé sur les liens entre les professionnels, ça vient d'emblée, parce qu'on met tout le monde au même niveau, puis tout le monde apprend les mêmes choses, mais je pense que oui, tu sais, si, je pense que c'est une bonne formule pour ramener tout le monde autour de la même table, pour que tout le monde discute puis que ça se fasse bien. Ouais. Puis en terminant, est-ce que tu peux me dire un peu tes réactions face justement à cette conférence-là ou tes impressions générales? Bien, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment, vraiment le fun. Puis je sais qu'il y a des maisons de naissance qui vont recevoir la formation AMPRO au Québec aussi, puis qu'il y a des sages-femmes qui vont aller à l'hôpital. Fait que dans ce sens-là, moi aussi, je trouvais ça vraiment enrichissant, autant des deux côtés, tu sais, pour la profession de sage-femme que pour les corps médicaux plus à l'hôpital. Fait que je pense que oui, puis je pense que pour moi, c'était positif, puis c'était un pas de plus vers la collaboration puis la multidisciplinarité. Ben merci beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience d'enfanter le monde, puis aussi de nous parler de AMPRO. Donc, voilà, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour nos entrevues cette semaine. Je vous invite à être avec nous la semaine prochaine parce que l'émission portera sur l'ostéopathie et l'herboristerie dans les soins périnataux. On recevra Mme Evelyne Fleury, ostéopathe, ainsi que Mme Capucine Chartrand, herboriste. Suite à la présentation sur la Maison Bleue, puis dans le cadre du congrès Enfanter le Monde, on a appris qu'il va y avoir une nouvelle Maison Bleue qui va ouvrir ses portes dans le quartier Parc Extension à Montréal, qui est aussi un quartier très multiethnique. Puis aussi, quelque chose que je voulais vous parler, c'était que dans le cadre du projet de la Maison Bleue, on peut devenir membre de leur village, comme ils l'appellent, faire partie du village Maison Bleue en effectuant un don. Donc, ça, autant on peut devenir sœurette, frérot ou commère en faisant un don de 25 $ ou une matante, une mononcle de la Maison Bleue avec un don de 100 $. C'est très sympathique, tout ça. Donc, vous pouvez aller consulter les informations sur le site de la Maison Bleue au www.maisonbleue.info. Puis, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver les émissions en balado-diffusion à uqtr.ca/co-naître. Puis vous pouvez aussi y avoir accès sur notre page Facebook. Donc, vous allez sur la page Facebook et vous cherchez l'émission Connaître ensemble. Vous pouvez devenir membre. Vous allez avoir différentes informations sur l'émission et sur la périnatalité. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de l'émission Connaître ensemble, tout particulièrement Bronwyn Agnew, notre merveilleuse technicienne, Karine Bertrand, qui a été la photographe, notre support moral et technique durant toute la session. Annie Brousseau-Arcan, qui est notre webmestre dévouée. Ainsi que nos trois invités d'aujourd'hui, Julie Ouellette, Mélanie Darcy et Annie Brousseau-Arcan, qui se sont déplacées dans notre fin de session, qui est très intense, je peux vous le certifier. Puis, je voulais prendre le temps, parce que souvent, en fin d'émission, on n'a pas toujours le temps, mais de remercier la Chasse-Galerie, qui est un de nos commanditaires, ainsi que le département du programme en pratique sage-femme, tout particulièrement la directrice, Mme Raymonde Gagnon, ainsi que Emmanuel Hébert, professeur au programme, qui nous ont soutenus aussi durant toute la session dans notre processus de création des émissions. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis, on va se revoir pour la dernière émission de la saison automnale la semaine prochaine. Puis sous peu, sur notre site Internet, vous allez pouvoir consulter notre programmation pour l'hiver 2011, puis notre plage horaire. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Puis on va se quitter en musique avec la pièce « La voix humaine » sur l'album « Rose sang » de Catherine Major. C'était Véronique Bazinet pour l'émission « Connaître ensemble » et on vous attend mercredi prochain de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou 89.1. Elle trébuche au matin dans un poème. Le soleil la fait luire comme une porcelaine. Elle éclate de rire, la voix humaine. Elle grince, elle vocifère, chasse la nuit de la terre. Des violons la réclament, elle n'a qu'une âme. Elle peut parler d'amour, de départ ou de haine.